Ouais, j'ai trouvé une fonction. Thank you. J'ai entendu, ouais, c'est pas mal. C'est un peu. Ma batterie, elle est vraiment un peu toujours pareil. Tant pis, hein, c'est une boîte à rythme.